kuri ato pake chupede wenge didi ya gudu na kumunozi mba jako geo Soyez tous bénis, soyez tous salués sous la haute protection de Titanzambé, sous la haute protection du grand créateur de tous les pouvoirs qui agit par pouvoir délégatoire. L'honneur et la gloire, l'adoration, l'élévation, le respect, la considération, tout cela lui revient. En effet, grâce à lui, depuis 1974, précisément le 13 juin, le 13 juin 1974 était ma première étape pour la prise de mon bâton de pèlerinage, c'est-à-dire où je suis rentré dans les grandes arcanes secrètes. Et de cette date du 13 juin 1974, lequel chemin m'a été bien sûr indiqué par mon grand-père et j'ai continué jusqu'à ce jour. Et bien sûr que la connaissance est évolutive, que toute science est évolutive, sauf certaines sciences, telles que la mathématique. Elle est figée dans l'espace et le temps, car 1 plus 1, ça fera toujours 1. Je voulais dire 1 plus 1, ça fera toujours 2, ou bien 1 ou 1, ce serait toujours 1. D'accord? 2 ou 2, ce serait toujours 2, mais si on fait l'inverse, 2 plus 2, ça fait 4, mais en réalité, 4 dans son fond résulte du 2 plus 2. La science, donc, disais-je, elle est évolutive. La connaissance également, elle est évolutive. Et au fur et à mesure que cette connaissance évolue, vous avez ce qu'on appelle des chambres qui se ferment, des chambres qui s'ouvrent. Et vous arriverez à un niveau où ces chambres-là, vous arriverez à un niveau où vous n'aurez plus besoin d'ouvrir d'autres chambres parce que vous aurez atteint la chambre suprême. Et pour nous les initiés, on appelle cette chambre suprême, c'est lorsque vous serez au troisième degré du temple. Ce qu'on appelle le Saint des Saints. Si vous vous rappelez bien de l'arche que M. Moïse transportait, quand cette arche était déployée, je voulais dire, quand la tente était déployée, l'arche en question, on la mettait toujours à la troisième chambre secrète, à la troisième porte. Cette troisième porte donnait accès directement au Saint des Saints. Juste une image pour vous permettre de comprendre un tout petit peu ma petite communication de ce jour. Et quand vous arrivez donc à cette troisième chambre, dans le monde de l'hermétisme, langage tronqué, modifié par nos frères grecs, ils ont amené les connaissances ésotériques, l'accès aux arcanes secrètes qui nous lient avec nos essences, avec nos ancêtres. Ils ont appelé cela l'hermétisme. Donc, dans la plupart des écrits grecs, on vous expliquera la même chose. Dans les écrits de l'Égypte antique, on vous expliquera également que l'accès à un troisième degré ou à une troisième porte, cet accès-là, est réservé uniquement à ceux qui ont traversé beaucoup d'épreuves dans leur vie. À ceux-là dont la vie matérielle ici-bas n'a plus de sens. À ceux-là dont la connaissance a transcendé. À ceux-là donc qui n'ont plus peur de la mort. À ceux-là qui comprennent qu'ils ne peuvent avoir peur que de celui ou celle qui peut vous tuer et en esprit et en chair. Mais quelqu'un qui vous tue la chair, c'est rien du tout. Personne ne peut m'empêcher de continuer à me réincarner autant que je le voudrais. Mais la troisième porte, malheureusement, ne me permettra plus de me réincarner. Donc, en d'autres termes, dans l'Égypte antique, on parlait de trois portes. Ces trois portes étaient également définies en trois formes de degrés. Eh bien, ces trois formes de degrés, je l'ai toujours enseigné ici, il s'agissait de 1, la préparation. On vous prépare. Et dans la connaissance ésotérique, quand on parle de préparation, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Au cours de cette préparation, il y a beaucoup de choses. Et ensuite, cette préparation, le nouvel adhérent ou adepte était sous une contrainte de 5 ans, sans dire un mot. Il gardait le silence. J'ai suivi la même procédure à travers une école moderne dont le siège se trouve à Varengeville, en France. Et le deuxième P, c'était le P de la purification. Après la préparation, il va falloir vous purifier. Et les techniques de purification ne sont autres que, aujourd'hui, dans le langage moderne, on appelle ça des ascèses initiatiques. Et ces ascèses initiatiques, donc, au fur et à mesure, vous permettent de mieux vous nettoyer, de mieux vous préparer pour que vous soyez plus ou moins proche de là-bas, que vous soyez plus ou moins proche des autres, que vous ayez l'accès un peu là-bas auprès des nôtres. Et quand je parle auprès des nôtres, ce sont ceux-là que vous allez rencontrer. Lorsque vous quitterez ce monde, les humains ont créé un nom qu'on appelle la mort. Mais pour nous, en tant qu'initiés, la mort, ce n'est pas cessation d'activité absolue. La mort n'est qu'une transition. Donc, quand vous allez transiter, quitter ce monde matériel, abandonnant ce corps, poussière, tuer poussière, ce sont eux qui vont vous rencontrer, c'est-à-dire nos ancêtres. En premier, en tête desquels, ceux qui vous sont liés directement, ceux-là dont J'ai examiné une question dans nos forums, l'égrégore familial. C'est cet égrégore familial-là dont le cordon ombilical n'a jamais été coupé. Et c'est ce cordon-là qui va, au cours de votre mort physique, ce sont eux que vous allez voir. Vous ne verrez pas un Jésus, vous ne verrez pas un Mahomet, vous ne verrez pas je ne sais qui, un Bouddha. Toute la somme des connaissances que nous accumulons en étant des terrestres ou des terriens, cela nous ouvre seulement notre champ de conscience évoluant dans ce corps matériel. Mais en réalité, la véritable connaissance expérimentale, c'est la véritable initiation que vous recevez chez vous. Et quand je parle de chez vous, c'est à votre terroir. Il arrivera un moment dans vos vies, vous aurez besoin de faire. Les connaissances que j'ai fait passer ici, depuis 2019 jusqu'en 2022, j'ai étudié les réactions des uns et des autres. De certains qui se posaient des questions, qui est-il? Oh, il se prend pour un maître. Mais que vient-il foutre ici? Il ne parle même pas bien français. Pour votre enseigne, je ne sais pas si c'est le bon mot, le français n'est que ma quatrième langue. Ceux qui me connaissent, qui sont proches de moi, savent quelles sont les autres langues que je maîtrise mieux que le français. Donc, parfois, il faut pardonner mon ignorance ou les fautes orthographiques de la langue ou les fautes grammaticales ou les fautes d'accord. Ça, je m'en souviens quand même si aujourd'hui, le français devient ma quatrième langue, mais je l'ai quand même apprise quand j'étais au Gabon, du CP1 jusqu'en classe de CM2. J'ai bien quand même appris cela. J'ai appris à faire les dictées, j'ai appris à faire les dissertations de la seconde jusqu'en première. Surtout, on avait un bon professeur, M. Le Guillon. Il nous a bien rodé au lycée technique sur les dissertations, le raisonnement, l'éveil de la conscientisation d'une langue. Donc, toutes ces bases, je les avais. Mais je suis tombé amoureux de ma propre langue à moi. Cette langue s'appelle le gallois. Et l'autre langue dont je suis amoureux, c'est le guissir. Car ce sont mes langues à moi. Ce sont ces langues qui me lient directement à mon cordon ombilical. Ce n'est pas le français. Et troisièmement, comme tout le monde le sait, depuis le lycée technique, j'ai des collègues qui peuvent vous témoigner, l'anglais a été toujours, du moins s'il y avait une lutte entre l'anglais et le français. Parce que j'ai commencé à maîtriser la langue anglaise depuis la classe de 5e. En classe de 4e, je fais le témoignage, le monsieur vit encore, c'est un grand officier supérieur. J'ai pris le risque d'aller lui faire l'oral du bac parce qu'il était passible. Je ne sais pas si c'est le mot. Passable ou passible, je ne sais pas. C'est-à-dire que le premier tour du bac, il ne l'avait pas eu, mais on lui a accordé une seconde chance, deuxième chance. C'était de faire l'oral en anglais. Il lui est fallu l'anglais et d'autres, je crois, deux autres matières pour se racheter afin qu'il gagne son bac. Et je m'en souviens qu'on nous avait présenté 5 textes. Je n'étais qu'en classe de 4e T, exactement 4e T11. Tout comme j'ai commencé au lycée technique en 4e, en 6e T11. Je n'oublierai jamais ce nombre 11. En 4e T11 donc. Je vais faire le texte. Et le monsieur était mon professeur d'internat. Je voulais dire mon maître d'internat. Bref, juste pour vous dire que la langue anglaise commençait à être dans mes gènes. Et bien sûr, et mon premier boulot que j'obtiens, c'est un boulot où je travaille avec la compagnie américaine, American Oil Company. Et d'American Oil Company, je deviens inspecteur de pétrole. Et cette compagnie d'inspecteur de pétrole, Redwood Services, c'est également une compagnie anglaise. Et je quitte de là. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas de master. Hein. On avait besoin de quelqu'un qui avait un grand diplôme, Bac plus 3 à l'époque, Bac plus 4, pardonnez-moi. Mais quand je tente d'aller au lycée technique, je n'avais pas Bac plus 4, hein, s'il vous plaît. L'avantage, c'est parce que je parlais et maîtrisais très bien l'anglais. Et d'ailleurs, le domaine du boulot, le premier boulot qu'on m'offre à la Shell, c'est on cherchait quelqu'un qui devait mieux communiquer à avec les pilotes de pétroliers pour faire rentrer le pétrole au Gabon. Donc la langue anglaise, en fait, était en train de supplanter la langue française. Jusqu'aujourd'hui, donc, j'avoue que les 3 ans que je passe auprès de vous, depuis 2019, m'ont permis de pratiquer la langue en français, la langue française ici, j'avoue. Mais bien que j'ai quelques lacunes parfois. À l'écrit, je suis obligé, sans vous cacher, pour consulter la Google ou bien le dictionnaire. Parce que je n'ai plus la pratique. Et puis quand j'arrive aux États-Unis, vous savez, je suis dans un état où j'ai moins de contact avec les francophones, mais le seul moyen de contact, c'est vous qui me suivez. Bref, juste pour vous dire que ma première langue à moi, elle est d'abord une langue mystico-spirituelle où je communique avec mes entités. Et quand je communique avec ces entités, cette langue, c'est la langue de mon père et de ma mère, et que je maîtrise très bien. J'encourage donc tout un chacun, chacun de vous, de maîtriser votre langue. Ne venez pas me faire des commentaires, de me donner des excuses ici. D'accord? J'apprécie que vous pouvez venir me dire « je parle un mauvais français », mais je me fais quand même comprendre. J'apprécie que vous puissiez dire que non, j'ai mal écrit tel ou tel mot, mais ce n'est pas votre langue, ce n'est pas notre langue. Le français n'est pas notre langue, s'il vous plaît. La même chose que l'anglais. D'accord? Ce ne sont pas nos langues. Mais c'est parce qu'on est tellement intelligent qu'on apprend ces langues pour communiquer et pour faire passer des connaissances. Et c'est pour cette raison, ici, en 3 ans, je vous fais le bilan, depuis 2019, donc de 1974, le 13 juin 1974, jusqu'au 17 juin 2019, j'étais dans le silence. Sauf ceux qui m'ont connu dans l'arène politique là-bas. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué pour aller parler des histoires politiques. C'est parce que j'avais donné le vote à quelqu'un. Bon, malheureusement, les choses ne sont pas passées telles qu'elles sont. Je ne suis pas quelqu'un de têtu. J'ai dit non, ça n'a pas marché, je laisse tomber. La politique n'est pas mon chemin, même si je suis un ancien. Même pour ceux qui me connaissent, que je suis un ancien élu du peuple. Je suis un ancien conseiller municipal, président des APEC, président d'un parti politique communal, également adjointe au maire. Donc, le monde de la politique, je l'ai connu pendant de 1996 jusqu'en 2002, lorsque mon mandat prend fin pour quitter définitivement le Gabon. Je connais ce que c'est. Mais c'était une erreur d'avoir mis mon nez là-dedans. Je suis dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Le communiqué que je vais faire passer, je ne vais pas vous garder longtemps, c'est un peu par rapport à des changements et des virements que je vais faire dans ma vie. Rassurez-vous, je serai toujours à votre disposition. Donc, de 17 juin 2019, je fais la rencontre d'une jeune femme. Une jeune, je l'appelle la déesse, parce qu'elle est vraiment dans la grande connaissance aussi. C'est elle qui va répondre à un appel. C'est là qu'on va commencer à penser à créer les forums là, que vous voyez en dessous là. Bravo à tous ceux qui se sont abonnés dans ces forums. Car aujourd'hui, de tout, forum, WhatsApp, il y en a 3, sauf si je me trompe. Africa, Oka, voilà, il y en a 3, avec le forum des Maroc. Ce sont des étudiants au Maroc qui ont pris l'initiative de créer également ce forum, dans lequel d'autres pays s'associent. Et ensuite, il y a le forum Telegram. Là, ça fait 4, n'est-ce pas? Sauf si je me trompe, hein. Et quand on additionne le nombre d'abonnés, ce n'est pas mauvais, c'est autour de 2000. Heureux de constater qu'en 2 ans et demi, nous avons près de 2000 abonnés et qui, ces groupes sont actifs. D'accord? Et au niveau de cette chaîne YouTube, j'avoue que je n'étais pas très actif parce que n'étant pas trop sûr. Pourquoi? Parce que je suis très occupé dans une autre chaîne, on appelle des... The Caribbean Africa Network, CAN, ça s'appelle. C'est un ami, je vous ai toujours parlé de cette histoire, un ami haïtien qui est aux États-Unis depuis 1978, qui, intéressé par ma culture et mes connaissances ésotériques et tout, m'a proposé d'être son host, le host présentateur d'une mission intitulée Back to the Root of Africa. Back to the Root of Africa. Donc là-bas, Je faisais des présentations. Nous avons même une chaîne de télévision locale. Le ministère ou le secrétariat de la communication de notre État nous a attribué une licence sur une chaîne de télé que nous pouvons opérer. Donc, à certaines heures où les gens pouvaient me voir. Ce n'était pas gratuit, bien sûr. Je gagnais un peu de sous sur ça. C'est ce qui me permettait de joindre mes deux bouts en entendant mes papiers. Et là, je vous parle de 2003 jusqu'en 2004. Bref, là-bas donc, j'étais très actif. Jusqu'à ce que, bon, et je continuais toujours, et jusqu'aujourd'hui, il me fait la pression parce qu'il a maintenant tout changé. Il a acheté près de 4 caméras qui sont tridimensionnelles. Il a dépensé près de 75 000 $, hein, l'équivalent à peu près de 40 millions de francs CFA, des équipements audiovisuels pour que notre chaîne avance à une autre dimension. Ça, c'est ce que je faisais avec le monde, comment on appelle, localement ici, avec les Américains, les Noirs américains surtout, qui sont derrière ce projet. Et avec mon ami haïtien, nous avons également une audience beaucoup plus haïtienne. Mais qui tous sont vivent, ils vivent à New York, New York State, précisément à New York City, dans la zone de Brooklyn, qui est une communauté beaucoup plus haïtienne. Bref, juste pour vous dire que j'étais un peu impliqué dans ces choses-là, mais aucun francophone ne pouvait me voir. Mais je me suis dit, bon, écoutez, je suis né en Afrique, il va falloir que je puisse quand même apporter quelque chose aux francophones. C'est ainsi que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Comme vous voyez, le nom, au début, c'était Tétan Zambé le Tout-Puissant, et les gens m'appelaient Tétan Zambé. J'ai dit non, les gens font une erreur. J'ai changé, j'ai dit, bon, maintenant, il faut comprendre que moi, je ne suis pas Tétan Zambé. Tétan Zambé, dans nos langues bantoues, que ce soit au Congo, Congo-Kinshasa, Congo, Mbanza-Congo, ou au Congo, Bas-Congo, au Congo, au niveau du Gabon et du Cameroun, Nzambé, Nzam, c'est le titre attribué à Dieu, dont le nom est imprononçable et imprononcé. Voilà, c'est tout. Mais les gens m'appelaient, moi, Dieu maintenant, Nzama. Tétan Zambé, monsieur Tétan Zambé. J'ai dit non, il faut changer. Et si j'ai changé, et c'est pour cela que vous voyez le nom, l'élu de Tétan Mwanga d'Ibanga Banga. L'élu de Tétan Mwanga d'Ibanga Banga avait dit tout simplement que le choisi, que le Dieu de mes ancêtres gabonais, je suis celui-là qu'il a choisi parmi tant d'autres. Je n'ai pas, sous une prétention quelconque, dit que c'est maintenant moi, alors que j'ai des aînés. J'ai même des petits frères qui sont des aînés. Quand je parle des petits frères, c'est-à-dire que physiquement, j'ai des petits frères qui ont 55 ans, 58 ans, 50 ans, mais qui sont très avancés dans le monde de Bouété. Et moi, je les appelle mes aînés. Mes aînés, c'est par rapport à la connaissance de Bouété. Moi, je ne suis qu'un bébé dans le Bouété. J'ai mangé mon bois sacré en 2011. Je ne fais que faire ce témoignage tous les jours. Mais ça ne fait pas de moi un maître de Bouété. Mais le Bouété fait partie des 28 initiations que j'ai reçues de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. En réalité, je vous ai toujours dit, on ne dit jamais qui on est. C'est vrai que je maîtrise le plus le pranayama yoga ou kundalini yoga. Et c'est à travers ça que j'ai éveillé mon vampire. Ce qu'on appelle vampire, c'est-à-dire c'est à travers ça que ma divinité s'est mise consciemment dans toutes les dimensions, sortie astrale, visite des morts, aller au royaume des morts, aller dans d'autres planètes telles que Vénus 4 et autres, les expériences que je partage. Ça m'a permis également de maîtriser les magies cérémoniales indiennes qui ont parlé de convoquer des démons, des anges, de ceci. C'est grâce donc au pranayama yoga, qui est le yoga de l'éveil de votre conscience, de votre conscience divine, qui vous permet de vous contacter avec le tout. Parce que yoga veut dire vous, un avec le tout, souplesse. Donc, dans le hatha yoga, c'est la souplesse de votre corps qui permettra à votre âme de naviguer dans l'espace et le temps. Car si votre corps est trop dur et il n'y a pas de souplesse, à travers le yoga, on l'apprend, eh bien, votre âme va être embrigadée dans un corps et vous serez victime des maladies. Car un corps qui n'est pas souple est victime d'attaques, victime de crises cardiaques, victime de ceci, parce que la souplesse de votre corps va permettre à votre âme également d'être souple et de se libérer librement de ce corps-là, du fait que vous ne connaîtrez pas les tensions, parce que l'environnement direct et indirect vous crée des tensions et tout cela. Bref, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, juste pour vous dire. Nous avons fait un chemin ensemble, de 2019 jusqu'en 2022. Eh bien, retenez bien que 2019, le 17 juin, au 17 juin 2022, là, C'est dans quelques jours. Et mon anniversaire, c'est dans quelques jours également. Ceci donc veut dire quoi? Il y a de grandes décisions que j'ai d'abord prises individuellement et j'ai proposé ça à mes amis qui sont de l'autre monde, que vous ne connaissez pas. Ils m'ont tellement fait beaucoup de pression. Et donc, je leur ai fait un vœu. J'ai dit, désormais, je serai pour vous. La mauvaise nouvelle qui va vous faire mal au cœur, c'est que vous ne me verrez plus faire des lives ici. Je répète, vous, ça c'est le dernier live. Ça, je suis honnête avec vous. Prenez bien note. Pour la simple raison qu'il y a d'autres choses que je fais et que je n'ai jamais apporté à l'attention du public. J'ai une vie privée. Et cette vie privée m'exige de beaucoup de sacrifices parfois. Donc cette vie privée a entraîné des changements. Les changements, c'est quoi? Oui, pour ceux qui m'ont connu et pour ceux qui continuent à me consulter, savent qui je suis. Que je ne suis pas un charlatan ni un faux vendeur d'illusions. Il y a des gens à qui je fais des consultations. Il y a eu des milliers depuis que j'ai lancé ceci. Ceci avait commencé à cause de mon stage que j'ai fait en 2000, le séminaire que j'ai fait en France, au Havre, en janvier 2020. À l'issue de ça, il y a eu la publicité. Les gens ont dit, oh, ce monsieur-là, vraiment, non, c'est pas possible. Sans rien, il vous, pas la voix seulement, il vous voit, pas la photo, il vous consulte. Et là, les publicités sont parties. Ce qui fait que depuis lors, je suis vraiment secoué en termes de consultations mystico-spirituelles. Ces consultations mystico-spirituelles ne sont pas le résultat de mon initiation bouddhiste, je vous l'ai bien dit. J'ai été initié dans 28 milieux, dans des loges, dans des sociétés secrètes, dans des religions. J'ai été dans près de 9 religions au total. Et dans près de 4 loges maçonniques, Rose-Croix, Rose-Croix d'or, Rose-Croix à morgue, Rose-Croix gnostique, l'école de Pythagore, la loge universelle blanche, la liste est longue, la loge, l'initiation d'Osiris et d'Isis, la macumba brésilienne, le vaudou haïtien, vaudou béninois, tout ça j'ai reçu des initiations. Les initiations des Apaches, les initiations, comment dirais-je, d'autres tribus amérindiennes ici, dans l'Ohio. Je vous avais dit qu'Ohio, c'est un nom indien qui veut dire les pouvoirs. Et l'État de l'Ohio est l'un des États, vérifiez bien, sur les sites internet, renseignez-vous bien. C'est l'État où il y a la plupart des grands sorciers des États-Unis d'Amérique. La preuve en est que si vous volez à vol d'oiseau au-dessus de l'Ohio, vous ne verrez pas l'Ohio. L'Ohio est sous terre. C'est un État qui est souterrain. Mm-hmm. À la différence avec la ville qu'on appelle New Orleans, autant pour moi. New Orleans est par contre sous les eaux. Voilà pourquoi là-bas, il y a beaucoup de Mamiwata. Il y a beaucoup de femmes des eaux. Quand il y a eu l'événement de 2004-2005, souvenez-vous, Katrina, moi j'étais entre j'étais à Fort Bay, dans la zone de Alabama. Eh bien, on a vu ces créatures-là. Pourquoi? Parce que New Orleans est une ville qui est sous les eaux. Et l'Ohio, nous, on est sous terre. C'est une ville qui est sous terre, dans des grottes. Et c'est ici, là. 98% des habitants, c'était des Indiens. Et nous, l'État de l'Ohio et l'État qu'on appelle Kentucky, il y a des pouvoirs mystiques communs. Bref, je ne vais pas rentrer là-bas. Il faut être ici pour bien étudier cela. Ceci donc étant, je suis rentré dans ces grands mystères en 2005. Et depuis lors, je les fréquente. Ce samedi, nous avons un grand événement. Chillicothe, Ohio. Chillicothe. Chillicothe, c'est aussi un village indien, mais qui est devenu une ville. Mais cette ville qui garde toutes leurs traditions. Les Blancs respectent cela. Et je suis heureux que ma fille créole est posté quelque chose d'intéressant parlant de son pays, le Gabon, sur nos traditions à nous. Parce que les traditions en Afrique, c'est diabolique à cause des religions imposées et importées. Bref, ce résumé, juste pour vous dire que j'ai eu à mettre le pied partout et j'ai créé ce qu'on appelle le syncrétisme. Voilà pourquoi, au cours de mes interventions tous les jours, je vous dis, je ne veux pas être dur contre mes frères témoins de Jéhovah, car j'ai été baptisé chez les témoins de Jéhovah. J'ai été jusqu'au grade de pionnier permanent, c'est-à-dire prédicateur à plein temps. Toute la Bible est ici. Je les respecte. Mais sauf que à un moment donné dans la vie, il faut savoir que l'esprit est plus important que la chair. D'accord? Ce n'est pas le costume, la belle veste, la Bible, que mon frère témoin de Jéhovah, que moi-même j'étais esclave pendant près de 15 ans en train de prêcher, de ranger les gens, qui fait le moine. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais c'est l'esprit qui fait le moine. D'accord? Mes frères musulmans, Abdurzak, c'est mon nom. C'était le nom que je portais. Je suis rentré dans l'islam. En 1997, je suis rentré. J'ai été accepté. Allah m'a donné un nom, Abdurzak. Je suis rentré dans le soufisme en plein. Bref, juste pour vous dire que j'ai fait ce qu'on appelle le syncrétisme. Donc, tous ceux qui me suivent là, ayez au moins une idée. Et c'est tout ça qui m'a fatigué, qui va me permettre, malheureusement. Bon, c'est l'une des raisons qui vont faire en sorte que non, je ne suis pas bien compris. Autant soit fermer cette chaîne ou bien la vendre à un frère. Et j'ai près de 3 personnes qui sollicitent de récupérer cette chaîne. Dieu merci que c'est des francophones. Donc, ils maîtrisent bien la langue française. Ils pourront mieux continuer. C'est des initiés également. L'un d'entre eux est un prêtre. Il est prêtre des confréries de chez nous. Et on appelle ça du Mbanza Congo. Donc, à l'avenir, ne soyez pas surpris. Parfois, ce sont eux qui vont venir enseigner. Quand j'ai pris cette décision, ça n'a rien à voir parce que les gens ne me comprennent pas, parce que les gens pensent que je suis un fou ou bien sorcier ou ceci, cela. Non, ça n'a rien à voir. D'accord? Pardonnez-moi mon langage, mais je suis obligé d'être cru avec vous. Je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi. Parce que c'est moi-même qui ai pris le risque de venir dire au public qui je suis. Mais pas dans les détails, parce que jusqu'ici, personne ne me connaît. Je vous ai seulement dit les 28 initiations que j'ai reçues. Mais vous ne savez pas laquelle où je peux vous buter, vous faire du mal, ou bien où je peux vous faire du bien. Vous ne savez pas. Que ce soit les religions ou les milieux sectaires. Et j'ai oublié, même le bouddhisme, le taoïsme, le Lao Tzu, toutes ces histoires-là à cause du monde des arts martiaux que je ne maîtrise pas. En 42 ans que je pratique les arts martiaux, karaté, judo et boxe, je ne les maîtrise pas. Mais je le fais juste pour ma santé. Ceci pour vous dire qu'à un moment donné de la vie, il faut savoir faire des choix. À un moment donné de la vie, eh bien, on arrive à la troisième porte. Et je vous ai tout dit que cette troisième porte, c'est la porte de l'immortalité. Et pour arriver à cette porte de l'immortalité, il faudrait que votre comportement change. Ce comportement change par des sacrifices que vous devez faire. Et ces sacrifices, malheureusement, je vais pouvoir les faire à partir de maintenant. Retenez la date, le 17 juin 2022. Eh bien, vous ne me verrez peut-être plus trop au public. Pour la simple raison que, premièrement, je suis beaucoup sollicité dans d'autres milieux. D'accord? Je vais plus passer mon temps avec les anglophones. Oui, certains vont dire que c'est à cause de l'argent. Ce n'est pas faux. Des gros cachets m'ont été proposés. C'est vrai. Mais ce n'est pas l'argent qui m'attire là-bas. Et deuxièmement, alors je vous parle, j'ai près de 27 personnes en liste d'attente. Ces 27 personnes qui sont en liste d'attente, c'est qui? Il y a des gens de toutes nations. Il y a des Congolais, des Ivoiriens, des Maliens, des Gabonais, même des Français, des Américains, qui attendent que je puisse prendre je puisse les faire les consultations. Et des 27, je vous signale que la majorité, ils ont déjà envoyé leur argent. Et je ne veux pas tourner pour un voyou. Donc, voilà pourquoi je vais passer plus de temps à m'occuper de ce don que j'ai. C'est-à-dire, je vais me concentrer beaucoup plus à mes consultations, afin que je puisse donner plus de 50% de mon temps dessus. Et j'ai toujours mon boulot à plein temps, où je travaille, où j'ai un contrat avec mon État. Donc, c'est ce que je vais faire désormais. Maintenant, les lives, je vous le répète, que j'ai 3 personnes qui m'ont sollicité pour pouvoir désormais animer les enseignements ici. C'est vrai que nous n'avons pas tous le même don, mais ils sont plus avancés que moi, hein, je peux vous le garantir. Ils sont plus avancés que moi dans la connaissance. Ils n'ont peut-être pas la diversité syncrétique que moi j'ai. Le syncrétisme qui s'agit de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui n'est pas bon. Prenez ce qui peut vous qui peut asseoir votre pouvoir et qui peut vous aider à mieux vous élever. C'est l'avantage que vous aviez de moi, n'est-ce pas? J'ai des jeunes femmes là, qui ont les âges de mes filles. Il y a une qui a à peine 22 ans. Oh là là, très avancée dans le yoga. Parlant des forums, justement, elle va faire partie. Je suis qu'elle est, elle va être émotionnelle. Elle va faire partie. Je vais faire des interviews avec 4 personnes que j'ai déjà sélectionnées dans les forums. Là, je parle maintenant du côté des forums. Donc, côté YouTube, je le répète qu'il y a 3 candidats. Maintenant, ça ne veut pas dire par là que, au passage, je ne peux pas faire comme vous voyez. Vous avez constaté, j'ai préparé déjà cela. La plupart des vidéos que vous voyez postées ici, c'est quoi? C'est des vidéos qui sont préenregistrées. Ça veut dire que dans un espace de temps, quand je finis de faire mes consultations avec les gens, je parle des consultations mystico-spirituelles, je peux faire un petit enseignement pré-enregistré et puis on balance. Mais me voir comme vous êtes là tous branchés avec moi en direct, ça va être très difficile. Surtout à partir de juin 2017. D'accord? Ça, c'était le premier, le communiqué. Donc, il y aura d'autres. Et dans les forums, également, c'est la même chose. Vous ne me verrez plus trop faire des interventions, mais j'ai déjà sélectionné 4 personnes. Dont une personne du Gabon, une personne de la Côte d'Ivoire, une personne qui est au Canada, et il y a une troisième personne qui est au Cameroun. Donc, ces 4 personnes-là que j'ai déjà sélectionnées, je vais leur faire des interviews. Et au cours de ces interviews, je verrai bien qui vais-je, ou du moins, peut-être tous les 4 sont bons. Bien, je vais les retenir. Ça veut dire que ces 4 personnes-là vont, et je l'ai constaté, quand je suis absent durant mes jours de silence, je constate qu'ils répondent bien aux questions que les milliers d'abonnés posent. Parce que le rôle des forums, là, justement, c'est pour mieux approfondir les connaissances que je diffuse sur mes vidéos ici. Et puisque, comme je l'ai toujours répété, je ne veux pas répondre à toutes les questions, malheureusement. C'est vrai que je vais accepter vos questions que vous allez me poser tout à l'heure. Pardonnez-moi de regarder la montre parce que je dois aller également à mon lieu de travail. Donc, il y a des questions qui rongent votre esprit. Et il y a des nouveaux. Je constate qu'il y a beaucoup plus de nouveaux qui viennent. Je vous remercie parce qu'en moins d'un mois, on se retrouve à plus de 600. Précisément 629 abonnés. Bon, ça prouve quand même qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je dis. Même si certains frères africains sont toujours jaloux quand ils voient un frère qui essaie de faire quelque chose pour aider. Et surtout que moi, je fais des sacrifices. S'il vous plaît, vous le savez, je ne vous demande aucun sou. Et pourtant, la nouvelle politique de YouTube m'autorise que je peux créer une monétisation au niveau de YouTube. Je peux la créer, je ne suis pas obligé d'attendre 10 000 abonnés ou je ne sais pas combien. Non. Il y a la possibilité de le faire, je me suis renseigné. Mais là n'est pas mon objectif, je ne veux pas me faire de l'argent. Je veux dire, monétiser, on appelle ça comment? Le fait que vous pouvez mettre de l'argent ici. Parce qu'il y a mon fils qui avait mis un compte Letchi. Je vous informe que ce compte Letchi, malheureusement, ne fonctionne plus. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, comment faire pour vous envoyer l'argent? Je vais vous donner les réponses dans les forums là-bas. Il y a des comptes qui sont disponibles et qui, à un moment donné, on va organiser un comité pour que cet argent-là serve à quelque chose pour le bien de la communauté et surtout pour les gens qui veulent m'inviter. Mais pour le moment, rassurez-vous, je suis beaucoup plus concentré entre mon boulot, mes études et les consultations qui est une passion maintenant pour moi. Maintenant, les enseignements, je vais simplement être le guide. Donc, les 4 personnes que je parle dans les forums-là, quand il y aura des questions, je vais désigner ces personnes-là. Ces personnes-là, donc, vont répondre. Maintenant, quand ces personnes ont des difficultés, elles peuvent toujours me contacter 24 sur 24. Il n'y a pas de problème. En ce moment, je leur dirai, voilà, il faut dire ceci, il faut faire cela. Il arrivera occasionnellement, je peux faire des audios, d'accord, en réponse à vos questions. Mais je ne serai plus trop actif là-bas. Ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Rassurez-vous que les gens que j'ai choisis, certes, beaucoup sont jeunes, mais rassurez-vous, ils sont très avancés. Et la majorité sont des femmes. Elles sont très avancées spirituellement, elles se reconnaissent et elles vont être contactées. OK? Et celles-ci vont pouvoir partager les connaissances. Bien sûr que quand elles vont hésiter, elles pourront toujours me contacter en privé. Elles vont avoir mon contact privé. De temps en temps, ils peuvent me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Mais moi, être à votre disposition comme je le faisais à 100%, pardonnez-moi. Je suis honnête avec vous. Je reçois des consignes, d'abord de mes maîtres invisibles, que normalement je ne devais pas être ici tout le temps en train de crier, en train de parler. Et cela est très important. Je le constate durant mes jours de silence. Quand je suis dans mes jours de silence, là, de dimanche jusqu'à mardi, les gens pompent beaucoup de questions. Maintenant, quand je ne suis plus dans mes périodes d'observation de silence, de mercredi jusqu'à samedi, je ne vois pas de questions. Et ça me dérange un peu ça, n'est-ce pas? Les gens préfèrent donc venir me déranger. C'est vrai, ça fait partie des épreuves que les maîtres invisibles mettent devant moi. D'accord? Mes jours de sacrifice sont des jours sacrés pour moi, parce que c'est là où je dois communier avec les miens. D'accord? À mon lieu de travail, je vous l'ai toujours dit, et ce sont des jours où je ne travaille pas du tout. On n'a pas le droit de me déranger. Maintenant, quand on m'appelle au lieu de travail, le bureau est fermé, personne ne me dérange. D'accord? Je gère les affaires courantes et des dossiers dont je peux avoir accès sans pourtant parler ou sans être dérangé par qui que ce soit. C'est des règles que je me suis imposées et c'est des règles que vous verrez l'importance quand vous allez atteindre un certain niveau mystico-spirituel. Parce que le monde spirituel n'aime pas le bruit. Le monde spirituel n'aime pas que vous parlez trop. Le monde spirituel n'aime pas que vous donnez trop d'informations. Mais ici, là, sur les 442 vidéos qui sont disponibles, au moins 196 maintenant, il y a des secrets qui vous ont été diffusés. Est-ce que je regrette? Non, je ne regrette pas. J'ai reçu le blâme. Profitez-en de pratiquer ces rites-là, s'il vous plaît. Pratiquez-les. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me contactent à privé. Des couples, des familles, de tous les coins du monde, hein, qui me contactent, me disent vraiment merci. Et certains, il faut être honnête, me demandent comment ils peuvent quand même faire un signe symbolique pour me soutenir dans ce que je fais. Et ils m'envoient des montants qui peuvent être, ça je ne peux pas vous dire, parfois des montants qui me surprennent, des fois 5 000 $, des fois 100 $, des fois 50 $. Ça dépend des moyens qu'ils ont. Et ça, j'apprécie cela. D'accord? Mais rassurez-vous, même si on atteint 1 million d'abonnés ici, je ne vais jamais vous demander un rond. Parce que, certes, j'ai dépensé entre 11 et 13 millions de francs CFA pour avoir accès à toutes les connaissances que j'ai. C'est-à-dire, les initiations, vous savez que c'est payant. J'ai fait des sacrifices dans ma vie. Je me suis documenté. Plus de 310 livres que j'ai dû lire à gauche. Et ce n'est pas n'importe quel livre, on ne les trouve pas dans la librairie. C'est des livres qui ont été chargés par des initiés. Des livres qui ont été diffusés secrètement et dont j'ai eu accès. Et les initiations, il faut payer, aller en Inde. À l'époque, parti du Gabon pour l'Inde, le billet, c'est compliqué, le visa, c'est compliqué. Bon, d'ici aux États-Unis jusqu'en Inde, on ne me demande pas le visa, mais le billet d'avion, l'endroit où je vais descendre pour aller prendre des connaissances, je n'ai pas près de 5 000 $, donc l'équivalent de 2 800 000 pour seulement une semaine. Donc, c'est pour vous dire que la connaissance ésotérique, les initiations de nos jours, il faut aussi taper votre poche. Mais moi, je ne vous demande rien. Hein? Je reçois tout, je vous donne gratuitement. Moi, je vais payer. Mais avec le temps, vous comprendrez la valeur. D'accord? Quelqu'un m'a posé la question sur les livres. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, je ne veux plus être trop public. J'essaie aussi de me concentrer de ce côté des livres. Vous voyez, là, c'est combien? Il y en a plein de documents, là. Vous voyez, je suis toujours en train d'écrire. Il y en a plein. Chaque jour, je dois écrire. Je dois écrire. Et les gens pour qui je confie la mission pour pouvoir faire taper ça sur les ordinateurs, je travaille en fonction de leur temps. Je veux le faire moi-même parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé 50 000 $, l'équivalent de 26 millions. Je dis non, je n'ai pas cet argent-là. Même si j'ai cet argent, non, je préfère le faire moi-même. Donc, voilà autant d'occupations. Hein. Pensez aux livres qui sont en cours, d'écriture, et ensuite pensez aux consultations. Donc, je vous en prie, ceux-là, les 27 personnes qui sont en liste d'attente, là, liste d'attente, veuillez me pardonner, je vais vous recevoir. Je ferai tout le possible dans les heures qui suivent, là, prendre au moins 2 ou 3 personnes, parce que mes consultations varient entre 30 à 45 minutes. On passe à l'essentiel, je vous dis ce que vous êtes, qui vous êtes. Bref, on identifie tous les problèmes. Bon, maintenant, il y a des consultations coaching. Ça prend plus du temps. C'est-à-dire que c'est des gens qui me posent des questions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quels sont les rites, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur business, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur vie ou la famille. Bon, là, c'est différent. Ça, c'est un autre cadre. Vous voyez, c'est tout cela mélangé, qui font que il m'est difficile de venir faire des lives ici, là. Vous comprenez? Mais rassurez-vous qu'il y aura des gens. Il y a des gens qui ont été sélectionnés et qui, peut-être qu'ils n'ont pas la même qualité que j'ai, c'est-à-dire se mettre devant des foules, parler facilement. Certains d'entre eux sont comme Moïse, ils ne parlent pas beaucoup, ils bégayent, mais ils vont quand même parler, ils vont vous transmettre les connaissances. Même si c'est vraiment pendant 15 ou 20 minutes, ils vont le faire, d'accord? Et moi-même, je continuerai à faire des vidéos pré-enregistrées. Voilà donc brièvement le communiqué que je venais ici vous faire passer, retenir que je vais devenir rare, ne m'en voulez pas, et que pendant les 3 ans, là, le 17 juin 2022, ça fera 3 ans, j'ai fait de mon mieux, de faire passer le peu que j'ai comme connaissance. Moi-même, j'ai besoin de aussi continuer à apprendre. Et mon objectif, c'est de ne plus me réincarner. Et vous comprenez que quand on veut plus se réincarner, ça ne sert à rien de venir tout le temps parler ici, là. Parce que je ne veux pas dire ça. Donc, vous aurez toujours la connaissance. Et dans les forums, abonnez-vous, s'il vous plaît. Les personnes qui vont être désignées pour répondre aux questions, c'est des personnes qualifiées et vous ne serez pas dessus. Je répondrai, mais pas comme d'habitude. Je ferai mon mieux les questions, les personnes que je vais prendre, je vais sélectionner, vont me balancer ces questions, mais je serai toujours dans les forums, hein, rassurez-vous, puisque je suis administrateur aussi, parmi tous les 4 forums, là, je suis là-dedans. Donc, je vais toujours jeter un coup d'œil, mais sauf que je ne serai pas vraiment trop branché dessus. Donc, pour le moment, je vais d'abord épurer les 27 personnes que je dois consulter, là. Les personnes l'attendent depuis, je crois, il y a une qui attend depuis presque 9 jours. Ce n'est pas normal. Et je ne veux pas que cette personne-là jette l'opprobre sur ma personnalité pour dire, voilà, le type-là, il est macronien, il m'a pris mon argent. Non, non, non, non, pas du tout. D'accord? Voilà, c'est ce que je venais vous partager ici. Que Teta Nzambe vous bénisse. Merci de m'avoir soutenu et merci de continuer à me soutenir dans ce combat, parce que c'est aussi un combat. Rassurez-vous qu'en 3 ans, je vous ai dit qu'en 2021, en 2020 et 2021, il y a eu 5 personnes qui sont mortes parce qu'elles m'ont attaqué. Je parle, vous pensez que c'est de la blague. Le monde mystique, ça paraît la blague, hein, mais c'est la vérité. Qui suis-je? Il n'y a qu'un comme moi. Je vais venir défier les maçons, je vais venir dire des choses, des vérités qui dérangent les gens. Vous pensez que ces gens-là sont contents? Nous avons tous connu un grand frère qui s'appelait Patrick Nguemandon. Ce monsieur, quand il travaillait à Afrika numéro 1, il faisait ses émissions, mais je m'en souviens qu'il avait lancé des propos qui... J'étais encore au lycée technique, hein? Ça date de 1983, j'étais au lycée technique. Il a lancé un défi en insultant les grands sorciers, il les a traités de pieds d'oiseaux, ceci, cela. Ceux qui connaissent l'histoire, ce monsieur s'est retrouvé paralysé pendant un moment. Je parle de Patrick Nguemandon. Il m'écoute, parce qu'il n'est pas mort, il n'a fait qu'une transition, il sait. Lui-même, il a reconnu que oui, il a été secoué. C'est pour vous dire que le monde mystico-spirituel, bon, moi, je ne défie pas, hein. Moi-même, je suis un sorcier au sens positif. C'est vrai que je peux devenir un sorcier au sens négatif lorsque vous voulez me faire du mal. Parce que c'est la loi martiale dans les arts martiaux, c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qui m'a poussé de rentrer dans le monde des arts martiaux en 1973-74. Hein. On m'a toujours appris que non, il faut te défendre. Parce que les gars me brimaient à l'école primaire. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne veux pas accepter qu'un autre mec vienne me talocher. Et quand il me taloche, je lui bable un coup de pied, un cacato au niveau de son genou. Le genou, c'est des boîtes et ça m'a valu des problèmes parce que le mec avait le genou complètement bougié. Bref, c'est la self-défense. Donc, dans le monde mystique, c'est la même chose. Mais je ne veux pas venir défier les gens. Tout comme, après près de plus de 40 ans de pratique de karaté, je ne veux pas dire que je suis l'homme le plus fort du monde. Non, non, non, non, non. Jamais. Qui va vous dire ça? Vous ne voyez pas les gens des UFC, là. Il y a des gens qui étaient des grands champions, mais ils se sont fait bastonner, ridiculiser. Donc, je veux dire que vous n'avez pas le droit de défier l'autre, mais par contre, vous avez le droit de vous défendre. Et vous ne devez pas être lâche. C'est ce que je vous enseigne. Donc, la peur, éliminez la peur. Hein? Dans toute pratique magique, il faut éliminer la peur. Dans toute pratique ésotérique, mystico-spirituelle, éliminez la peur. Nous allons progresser. Ne vous découragez pas. Parfois, vous me posez des questions, je ne réponds pas. Il faut bien réfléchir que vous me contactez dans les faux, dans des réseaux sociaux que moi, je trouve très fragiles. Parce que n'oubliez pas que je suis aussi exilé politique. Donc, mes gens-là, des États-Unis, surveillent tout ce qu'on fait. Ils ont peur qu'on me fasse du mal. Donc, maintenant, si vous me contactez là-bas dans les Messenger, je ne vais pas trop vous répondre. Je sais également que le guide inconnu, qui est ma page Facebook, les gens posent des questions. Bon, maintenant, ceux qui sont là-bas, je vous prie de toujours intégrer les forums. Parce que dans les forums, là, que ce soit Telegram ou WhatsApp, c'est filtré. J'ai mis des garde-fous. Des garde-fous physiques et des garde-fous mystiques. Donc, rassurez-vous que vous êtes, moi, je suis protégé et vous êtes également protégé. D'accord? Voilà un peu les raisons pour lesquelles parfois je ne réponds pas directement à vos questions. Les demandes d'amitié sur Facebook, je ne suis pas contre les jeunes femmes. Mais rassurez-vous que beaucoup de personnes parfois demandent des amitiés avec d'autres intentions. Voilà pourquoi vous constaterez que moi, je ne réponds pas aux demandes d'amitié sur des histoires de ma Facebook. Là. J'ai dû changer au moins près de 3 comptes Facebook à cause de cela. Et quand je demande, les gens demandent l'amitié et quand ils rentrent, je me rends compte qu'ils s'intéressent à ma vie privée. Oh, mais vraiment, vous êtes beau. Oh, ceci, cela. Qu'est-ce que tu fais? On commence à me tutoyer alors qu'on ne se connaît pas. Alors, quand vous venez avec des intentions comme cela, je ne vais pas vous accepter comme ami sur Facebook. Les gens que j'accepte comme ami sur Facebook, c'est pour venir s'instruire, pour venir apprendre, pour venir s'élever. Si vous vous retrouvez dans ce que moi je prêche ici, c'est-à-dire, si vous vous retrouvez dans ce que j'encourage tous les jours, que cette chaîne Teta Mwanga, si j'ai été cet élu, et je suis cet élu de Teta Mwanga, dit Wanga Wanga, c'est-à-dire l'élu de Dieu, élu dans le sens, n'est pas autoproclamé, élu dans le sens ayant reçu mandat de mes ancêtres, qu'il faudrait que je vous passe également le flambeau des connaissances à travers une pratique personnelle individuelle que vous pouvez faire chez vous. Et ces techniques-là sont disponibles. Il y a 196 techniques, rites, secrets qui sont diffusés ici. Mais seulement, il faut savoir, dans les forums, on vous donne la vidéothèque. Et dans cette vidéothèque, qui est une bibliothèque de vidéos, ben vous allez au fur et à mesure les avoir. Maintenant, si vous n'arrivez pas à les retrouver, posez la question et soyez patient dans les forums. Donc, quand vous allez poser cette question, les quatre personnes que je vais désigner là vont vous répondre. Et elles vont vous dire, oh pardon, moi je vais d'abord parler au maître. Maintenant, eux, quand ils vont venir vers moi, je leur dirai, voilà, il faut dire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est comme cela ça se passe, d'accord? Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci beaucoup. Je n'ai pas parlé pendant une heure. Merci. Merci. Maintenant, là, je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de poser toujours les questions là-bas dans les forums. Ils ne savent pas que je suis en plein live. Pourquoi? Parce que je n'ai averti personne. Je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas. Je suis en train de chercher un peu mon gongo là pour vous. Maintenant, je vais répondre à vos questions, quoi. Bon, les questions disent quoi? Wow, il y a eu beaucoup d'interventions ici. Bonjour, monsieur. Ah, lui là, vous m'appelez le professeur. Je ne suis pas professeur, pardonnez-moi. Oh. Ça, c'est trop fort, ça. Je ne suis pas professeur, je ne suis qu'un humble serviteur. Voilà, ma moussounde, moussa, vous m'a dit, je suis serviteur. Merci beaucoup. Tania nous dit quoi? Ok, il n'y a pas de question. Ce n'est pas méchant, mais la plupart des questions spirituelles auxquelles je vous avais parlé, vous n'avez pas réussi à me répondre. Ce n'est pas grave. Bon, mais vous voyez, je suis tellement sage, je suis honnête avec vous. Là, je vois ici, elle a chimie. Bon, moi, je ne sais pas quel nom. Vous voyez, c'est ça qui m'embrouille aussi. Là, vous présentez sous l'écran chimie. Moi, je veux savoir que chimie, c'est qui. Je sais que chimie, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Donc, quand vous posez vos questions, et je ne sais pas ce que vous dites, vous avez posé votre question où? Dans les forums? Si c'est dans les forums, là, regardez encore. J'ai fait l'effort. Hier, par exemple, j'étais au boulot et j'avais combien? J'étais en pleine réunion où je sensibilisais mes, le CEO, le directeur général de la santé publique. Tout le monde était là où ils m'ont demandé de faire passer un enseignement sur l'affaire du COVID parce que 8 personnes sont tombées dans mon centre hospitalier en psychiatrie. Mais malgré cela, j'avais toujours un œil dans le téléphone. Même le médecin en chef me dit, ah, mais toi, tu cherches quoi dans le téléphone? Je dis, non, je cherche des arguments pour répondre à ces questions. Il me dit, oh, d'accord. Alors que là, j'étais dans le forum. Vous voyez, je prends des risques même de perdre mon boulot. Et je vous informe que mon premier boulot, où je gagnais près de 3 millions. Je l'ai perdu à cause de cette affaire-là. Et ça, c'est le boulot de l'État. Je ne veux pas le perdre. Mais quand même, eux, ils comprennent. Ils savent que j'ai d'autres occupations. Et là, je réponds. Donc, vous me posez la question où? Si vous me posez la question sur Facebook, rassurez-vous, je ne vais pas vous répondre. Je vous ai dit que je n'ai pas confiance en Messenger. Je suis un exilé politique. Je suis menacé à gauche et à droite. Donc, bon, c'est vrai qu'au niveau du Gabon, on m'a donné des garanties. Moi, je n'ai aucun problème contre le bâcher. Bon, mais sauf que, vous savez, il y a des gens qui sont rancuniers. Au niveau des États-Unis, c'est par mesure de sécurité, à cause de mon statut, que j'ai reçu des consignes. Qu'il y a certains réseaux sociaux, je ne peux pas parler du tout. Je ne dois pas me... répondre à qui que ce soit. D'accord? Donc, si vous me posez des questions sur Messenger, je ne vais pas trop intervenir. Si vous me posez des questions sur le guide inconnu de Teta Nzambe, je suis désolé, je vous encourage. De temps en temps, je fais l'effort d'aller regarder. Mais je ne sais pas là où vous me posez des questions. Si vous me posez des questions sur Telegram, est-ce que je vais retrouver le nom de Chimie? Je vais être honnête avec vous. Je suis là devant mon téléphone, non? Enfin, l'un de mes téléphones, parce que j'ai trois. J'ai le Galaxy 21 là, que j'ai sous les yeux, que vous voyez. J'ai également le Galaxy 6, qui est de 2012 là, je l'ai. J'ai également BlackBerry. Donc, toutes mes activités spirituelles sont liées sur celui-ci et sur le Galaxy 6, voyez-vous. Maintenant, je ne sais pas là, vous me posez vos questions, laissez-moi examiner. Chimie, je vais chercher. Chimie, on est où là? Telegram. Moi, je ne sais pas sous quel nom. Ici, je vois un autre nom. Par exemple, je vois quelqu'un ici qui se présente sous son nom. Et le prénom finit par Prince. Bon. Octavia, oui. Cette jeune dame, je la connais. Même sur Facebook, elle a gardé le même nom. Bon. Caboret, j'ai répondu. Carrie, j'ai répondu. Qui d'autre? Que je n'ai pas répondu des questions ici. Je vois Vaillant, j'ai répondu. Claude, j'ai répondu. Moussa Awa. Bon, là, Moussa Awa ne m'a pas donné son prénom, je ne sais pas. Parce que j'ai près de 19 Moussa Awa sur Telegram. Tsagé, ça, c'est l'étudiant silencieux. Il ne parle pas trop. Ça, c'est un homme de science. Hein? Je suis en train de regarder les communications. Wanko, je l'ai répondu. Depuis le 19, je n'ai pas eu de questions ici. Paul, il m'a répondu. Je l'ai répondu, il m'a répondu. Bon. Alessia, je crois avoir répondu à sa question parce qu'elle est très active. Qui d'autre? Louis Montelier. Bon, ça, Louis Montelier, ça fait longtemps, ça date de février. Bref, ça, c'est des noms, je ne vais pas citer tous les noms aussi. Et je vous signale que les noms que je cite, c'est des noms qui sont la plupart des sobriquets et autres. Bon, Paul est avec moi aux États-Unis, je ne vois pas. Glenn m'a laissé un voice. Trérot ne m'a pas adressé quoi que ce soit depuis le 14 janvier. Marie-Josée, c'est depuis le 12 janvier. Mamburobu, bon, elle, c'est non, il n'y a pas de question. Moi, je ne sais pas sous quel nom vous présentez. Parce que c'est ça le problème. Florville, elle, ça remonte il y a bientôt 3 mois. Je n'ai pas de suite. Et ensuite, il y a mes enfants qui sont là. Et toute ma famille, tous sont là branchés. Moi, je suis en train de regarder sur Telegram. Alors, moi, je ne sais pas. Pardonnez-moi. Donc, vous m'avez posé quelques questions que moi, je n'ai pas répondu. Est-ce que vous l'avez posé au niveau des forums? Non, je n'ai pas répondu. Et plutôt, je n'ai pas vu. Donc, s'il vous plaît, si vous vous appelez sur cet écran chimie, je comprends votre discrétion, vous utilisez des avatars. Tout le monde utilise des avatars. Moi, on oublie, je n'ai pas d'avatar. Partout, c'est pareil. Bon, maintenant, votre question chimie. C'est comme pour le livre bleu. J'ai un peu lu. Et ça parle de religion souvent, alors que chaque fois que vous dites de quoi? Ou que vous passez pour parler de... Oh! Le livre bleu, c'est que pour ceux qui sont nouveaux, le livre bleu, je l'appelais livre bleu. Je suis le seul à avoir donné ce nom-là. Ce livre est intitulé « La lumière sur le royaume ». L'auteur qui a écrit ce livre n'est pas un religieux. Ce livre-là, c'est la pratique de la magie au quotidien afin de vous permettre de résoudre vos problèmes au quotidien. Pardonnez-moi d'être tautologique. En d'autres termes, ce sont des recettes magiques. Ce sont des astuces, ce que nous appelons en Afrique des fétiches. Le fétiche est une composition de plusieurs éléments qui vous permet de déclencher X ou Y pouvoir qui est en connexion avec des forces invisibles. Donc, la lumière sur le royaume, le livre dont fait allusion bleu, qui vous parle de religion? Il vous a dit quoi? Il faut pratiquer une religion? Le livre, l'auteur vous fait simplement l'historicité. Parce que c'est un livre que je possède depuis 1982. Par messager lui-même, quand il vivait encore, l'auteur normalement. Monsieur Alexandre Moriachon n'est qu'un diffuseur. Il ne fait que diffuser ce qui avait été édité, écrit par le vieux messager de son vivant. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal que l'auteur ici essaye de vous faire comprendre que toute magie, la plupart des magies que nous pratiquons, en fait, les religions ont volé ça. Parce que vous faites une bonne remarque, que dans le livre bleu, par exemple, l'auteur mentionne la religion. Mais est-ce que l'auteur vous a dit qu'il faut pratiquer la religion catholique? Est-ce que l'auteur vous a dit qu'il faut pratiquer la religion de l'islam? Sauf si je me trompe, donnez-moi la page de la référence, parce que c'est un livre que j'ai étudié par cœur depuis 1982. D'accord? Sur les 512 pages, je les ai dans ma tête. Mais ce que je sais, ce que l'auteur parle, il vous donne des références historiques. Que par exemple, les religions de l'Antiquité faisaient tel ou tel, tel, tel. Il vous donne l'exemple d'Isis. Isis, en vérité, le véritable nom d'Isis, chez les chrétiens modernes, c'est Marie. Et cette Isis-là, c'est qui? Dans l'Antiquité, elle porte d'autres noms. Et on l'appelle Ast. Dans le livre, le rite d'Ast. Ast ici, c'est A-S-E-T. Généralement, dans la langue grecque, on ne prononce pas le E. C'est Ast, mais c'est écrit Aset. Il y a un rite qu'on appelle le rite Aset, que vous devez pratiquer pendant que vous pratiquez vos rites en renvoi. Quelle religion qui va vous dire qu'il faut purifier votre esprit? Quelle religion qui va vous dire qu'il faut invoquer les quatre archanges des quatre coins de la terre? Quelle religion qui va vous dire « Devant moi se trouve le pentagramme, et derrière moi se trouve l'hexagramme. Au-dessus de ma tête se trouve la Shekinah de Dieu, la couronne de vie qui apporte le feu. » Quelle religion? Vous avez dit ça aux églises éveillées, mais ils vont vous faire la guerre, n'est-ce pas? Donc, il vous fait simplement une historicité, d'accord? Je connais bien M. Alexandre Moriasson. Il n'est pas chrétien. Non, non, non, non. C'est un initié des mystères. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ces rites que vous voyez ont été puisés. Je vous ai dit ça, il y a une vidéo où j'explique. Que ça a été puisé dans nos rites africains. C'est des rites africains qui ont été silencieusement et substantiellement, pour ne pas dire discrètement et bandite, pardonnez-moi le mot, malicieusement, c'est le mot que je cherche. Vous voyez comment le français devient compliqué pour moi. Malicieusement, ils ont volé ces rites-là de l'Égypte antique. C'est tout. La croix des éléments. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils ont volé ça où? Mais ils ont volé ça de... Atobe malkut be wedu ra be wedu lole olamin. Mais en langue hébraïque, comme le pratiquaient nos ancêtres, ce rite appelle la quintessence divine à travers les cinq éléments. Aucune religion ne va vous parler des cinq éléments. On va vous parler des quatre éléments. Mais les quatre éléments, quelle relation ces quatre éléments dans le monde métaphysique, dans le monde de contraire, dans le monde des reflets représentent? Alors, ce livre, quand je vous ai dit qu'il faut le lire 28 fois, l'auteur ne vous a pas demandé de le lire pendant 28 jours. Non, il ne connaît pas ça. Mais moi, c'est parce que j'ai été dans d'autres grandes initiations qui pratiquent le même rite, mais sous une autre forme. Et c'est là-dedans qu'on m'a donné la consigne que les rites qui sont là-dedans, il ne faut pas les pratiquer. Il faut d'abord lire le livre pendant 28 jours, en lune montante. Quand la lune disparaît après les 28 jours, même si la lune a 31 jours, hein, le faux calendrier qu'ils ont monté, le vrai calendrier, il est lunaire. Donc, toute pratique magique à l'époque, c'était des pratiques qui se passaient en phase lunaire. Bref, les rites d'appel. Quelle religion qui va vous demander de convoquer les démons, c'est-à-dire des entités de haute fréquence ou vibration qui sont à la planète Saturne? Voyez-vous? Donc, retenez bien, chimie, je ne connais même pas votre nom, chimie, quand l'auteur parle de religion, ça ne veut pas dire qu'il encourage les gens d'être dans la région. Ça, c'est un, il faut retenir cela. Et de deux, moi, quand je parle dans mes forums, mais est-ce que vous pensez que je me trompe? Savez-vous combien d'abonnés j'ai? Sur les 2000 abonnés, savez-vous combien d'initiés? Je vous informe que c'est plus de 95% des mecs qui sont là-bas, c'est des initiés. Il y a des sorciers, il y a des gens de Macumba, il y a des gens du Vaudou, il y a des professeurs de haute sorcellerie noire, il y a même des gens qui font les magies cérémoniales indiennes, il y a des francs-maçons, il y a ceci, cela, les rosicruciens. Donc, tous ces mecs-là, ils m'ont dit, monsieur Onouvier, ce n'est pas parce que vous êtes un ancien pasteur, ce n'est pas parce que vous étiez témoin de Jéhovah. Là, vous nous parlez et vous nous représentez. Vous êtes initié des grands mystères. Vous avez jeté tout cela, mais la Bible, vous avez maîtrisé la Bible, vous connaissez la magie copte sur l'église primitive, de la maîtrise de ces techniques, et vous avez créé une science qu'on appelle, on appelle ça comment? La mystique chrétienne. Tant mieux, mais ça là, allez-y faire ça avec les gens en privé, mais pas dans nos histoires. Voyez-vous, donc je reçois la pression que vous ne subissez pas. Voilà pourquoi, dans les forums, il est interdit de parler de religion. Des religions imposées, je suis clair. Je ne vous ai pas interdit de m'amener l'histoire des vaudous. Vous-même, vous voyez, hier soir, je vous ai posté ma fille créole. Hein? Bon, les gens la traitent des noms de tout, des noms de tous les oiseaux, des noms de petits noms d'oiseaux. Je vous informe que cette fille-là, quand elle avait 3 ans, je l'ai vue grandir. Son père, c'était mon frère, témoin de Jéhovah. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, je vous informe. Donc, c'est une petite que j'ai vue grandir, je l'ai vue évoluer. Cette, elle a fait ses bêtises dans la vie, c'est la jeunesse, elle fait, on évolue. D'accord? Elle reçoit du coaching, elle a une formation qu'elle reçoit, elle s'est abonnée à mes histoires. Et puis, ce qu'elle a dit d'intéressant sur la culture, là, je l'ai posté. Voyez-vous, tous les frères, les grands initiés, j'ai d'abord discuté avec eux. Qui sont là membres dans les forums que vous ne connaissez pas. Ils m'ont dit, mais comment, notre fille, on connaît, ça c'est une fille qui valorise notre culture, même si elle fait ça à sa façon. C'est une artiste. Mais les gens la traitent de tous les noms d'oiseaux parce qu'elle est, comment, elle est nue, quoi. Les gens ont déjà vu marcher nue. Bref, je ne vais pas faire ici, comment dirais-je, venir parler de ma fille, d'être son avocat ou quoi, pardonnez-moi. Mais c'est un exemple que j'ai pris, juste pour vous dire que tout ce que j'autorise de poster ne doit avoir aucun rapport avec les religions imposées. Non, non, non, non, non, non. Vous n'allez pas me poser des histoires sur Jésus pour chercher quoi? Un personnage même que tout le monde connaît la vérité aujourd'hui qui n'a jamais existé. Un montage. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas une insulte. Mais maintenant, les Grégoire Jésus-Christ existent bel et bien. Si vous êtes nouveau, mais allez-y, monsieur, des vidéos que j'ai sorties depuis 2005. J'explique cela. Les pouvoirs des égrégores. Les religions marchent sur les pouvoirs égrégoriques. Voyez-vous? Mais, pour répondre à votre question, pardonner le quiproquo ou l'incompréhension. Mais M. Alexandre Moriasson n'encourage nullement. Vous pouvez lire ça de sa page à l'introduction. Là où il parle des dieux des différentes religions. Mais c'est faire l'étude de comparaison que les pratiques que vous allez trouver dans ce livre ont été bel et bien modifiées, certes, mais toutes ces religions, du Jésus qu'on parle, il fait une petite historicité dont je ne partage pas l'avis. Je vous dis la vérité. Parce que moi, je lui la partie, là, il vous parle de Jésus. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Mais c'est par rapport à mes incubations mystico-spirituelles, par rapport à mes expériences, par rapport à d'autres grandes encyclopédies, par rapport à Botanica, par rapport à ma sortie astrale à mon vampire, je découvre qu'il y a des révélations qui ne sont pas vraies. Mais ce que ça veut dire, je dis aux gens, allez, jetez-moi le livre bleu là. Non! Je reviens sur ce que j'ai toujours dit. Le syncrétisme. Gardez ce qui est bon pour votre évolution. Gardez ce qui est bon pour l'élévation de votre âme. Ce qui vous met à l'aise. Vous cherchez du boulot. Vous vous tracassez depuis longtemps. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais alors, vous utilisez, il y a une technique là-dedans. Comment trouver le boulot dans l'immédiat? Comment attirer l'argent? Comment charmer une femme? Comment rendre la femme esclave? Comment rendre l'homme esclave? Et ainsi de suite. C'est bien écrit dans ce livre bleu-là. Ça, vous avez oublié? Vous venez parler de religion? Non. Donc, chimie, rassurez-vous. Non, il n'y a pas de contradiction. Non, maman Marie-Ké, vendre la chaîne, c'est pas trop mon intention, mais c'est une façon de parler. En tout cas, vous êtes gentil, mais peu de réponses que j'ai eues parce que je suis blanc, ce n'est pas bien, alors je me trompe. Bon, voilà, chimie vient me dire ici, parce qu'il est blanc, je n'ai pas répondu à ces questions. Je le répète que je ne vois pas de questions au nom de chimie ici. Rien du tout. Je sais que nous avons un frère qui est sous le nom de Crisouille ou quoi, je ne sais pas quel nom là, qui pose des questions qui, souvent, il intervient sur Afrique, Baobab, Maroc. Alors là, il pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, voilà, vous avez maintenant, vous voyez, vous faites la remarque sur en plein live, mais je vois que votre question, vous me la posez à 10h49, j'étais déjà en live. Vous dites bonjour, je suis désolé, mais j'ai eu aucune réponse à mes questions. Je suis juste déçu. C'est tout. Mais que Dieu vous protège. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est sur mon écran. Si vous voulez, je peux faire poser. C'est là. La question est là en bas. Today, at 10:49. Moi, je vous ai enregistré sous le nom de Crisou. C'est là. Je ne vous cache rien. Quelle question vous avez posée, on ne vous a pas répondu. Et le problème, c'est qu'on vous a interdit de ne jamais poser des questions personnelles sur les baobabs. Mais vous posez la même question au public. Bonjour, je suis désolé, mais je n'ai eu aucune réponse à mes questions. Bon courage. Et vous revenez encore me dire cela en privé. Mais voilà l'un de mes élèves. Voilà l'une des personnes qui me répond validement à mes questions. Je ne vais pas citer son nom. Il se reconnaît. Qui dit, bonsoir, s'il vous plaît. Mais pouvez-vous vous rappeler votre question? Je vous ai dit tout à l'heure que désormais, je ne serai plus en train de répondre aux questions. Quand je ne suis pas là, ce monsieur que je ne vais pas citer le nom, qui est un frère initié de Boueté, qui est au Gabon, et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs quand je suis absent, il est venu vous poser la question à quelle heure? Vous posez votre question à 10h49, et à 10h59, le pauvre, peut-être qu'il est au boulot, mais il est là, présent, il dit, bonsoir, s'il vous plaît, pouvez-vous rappeler votre question? C'est pour vous dire que je ne suis pas le seul. Et pour confirmer ce que je viens de vous dire, que bientôt, ça là, ça va être aux mains d'autres personnes. Ils vont vous répondre. Hein? Maintenant, voilà la question que vous avez posée. Vous me faites la remarque en privé. Et là, je vois votre question qui vient ici, sur l'écran, pour me dire, en tout cas, vous êtes gentil, mais vous ne répondez pas à mes questions. J'apprécie cela. Voyez-vous? Non. Je vois vos questions là. Je suis en direct sur le machin. Vous m'avez contacté et en privé, mais c'est la même question que vous me posez également au public, c'est-à-dire dans le machin, dans Oka Maroc. C'est pas grave, faut pas se faire des idées, comment ça, toi aussi, faut pas faire ça. C'est pas parce que tu es blanc, je suis déçu. Vous êtes quelqu'un que Dieu vous protège. Bon, merci beaucoup. Voilà notre frère. Je n'aime pas utiliser le mot blanc. Arrête ça, arrête d'utiliser ça. Hein? Bien. Je suis désolé, mais ça n'a pas été le cas pour moi, maître. Non, posez vos questions. Il y a l'un de mes fils spirituels là, qui est en train de vous poser la question. Posez la question. Bon, Eris Blythe dit quoi? Bonjour, monsieur. Un jour, je me posais des questions sur la masturbation et quelques heures plus tard, vous en faites une vidéo très courte, mais ultra efficace. Merci. OK, merci beaucoup. De rien. Arrête de dire, je suis désolé, ça va aller. Repars là-bas dans le forum, on va te répondre toi aussi. Il faut être patient. Hein? Voilà ce que j'ai toujours enseigné. Et pourtant, vous êtes membre là-bas des forums, bientôt combien de mois là? Que la magie n'aime pas la précipitation, la magie aime la patience. Il faut être patient dans la pratique magique. Il ne faut jamais, jamais, jamais se précipiter. D'accord? Personne n'a parlé d'argent ici là. Si on parle d'argent, tout le monde là qui est dans mes forums, là, j'allais vous demander de payer, mais personne n'a jamais payé. La consultation, c'est $250. Ça, vous devez aller dans le forum là-bas, on va vous expliquer, mais c'est 250. Oh, thanks for sharing your knowledge with us. Oh, Kito. Oh, appreciate that, ma'am. No worries. Appreciate you because it's been only a month. You've been a member of our forums, of our groups, but I see your participation. You ask questions and then we give you the answers. If you're not happy and then you might insist, then I'm a private contact. You contact me in a private and then I will get more deep into the question you're asking. Okay? But unfortunately, some folks are very upset and now they're putting it here in the public saying that, no, I don't answer questions. I don't know. I think this is, I mean, I respect everybody's views, but I appreciate your support. J'ai des douleurs au ventre et des brûlures à cause d'un traitement. Comment faire pour être mieux, pour se sentir mieux? Bon, ce n'est pas en plein live, mais ce que je peux vous dire, les brûlures de ventre. Bon, maintenant, est-ce que vous avez tenté les traitements simples? Par exemple, l'huile de palme. L'huile de palme, avez-vous l'huile de palme? Buvez-moi ça. 2 cuillères ou 3 cuillères d'huile de palme que vous allez réchauffer un peu. C'est vrai que ça a un taux de cholestérol élevé. Mais c'est pour la circonstance. Ça, c'est un. Et de deux, essayez de consommer du charbon, le charbon de bois. Le charbon qui provient du bois qui a été brûlé. Ce charbon-là, mâchez-le ou bien achetez du charbon. Pardonnez. Achetez du charbon au niveau des pharmacies. Et au niveau des pharmacies, vous verrez qu'on va vous aider. Mais ce charbon-là va vous calmer. C'est le même charbon. Monsieur Kassongo, pourquoi pas former votre école où on peut se faire inscrire, payer, épuiser les enseignements? C'est une idée qui m'a été toujours proposée, mais l'école en question, ce sera chez moi, soit au Gabon ou au Mbanza Congo, à Pointe-Noire. Rassurez-vous, ce sera fait. Mais pas question de faire des écoles en ligne. Non, je ne veux pas être dans la confusion. Parce que pour faire une école en ligne, je vous avais expliqué que vous devez être là 24 heures sur 24. Voilà pourquoi beaucoup de compatriotes, de frères initiés qui ont créé des écoles en ligne, ils étaient obligés d'abandonner leur boulot. Et maintenant, comme l'homme africain n'est pas reconnaissant, on les traite maintenant des macros. Pourquoi? Parce qu'ils demandent beaucoup d'argent aux gens. Mais le mec a abandonné son boulot, il gagnait près de 7000 euros par mois pour créer une école en ligne. Mais quand il crée l'école en ligne, vous pensez que c'est quoi? Il doit être là 24 sur 24 parce qu'il y a des garde-fous. Il faut changer le mot de passe. Moi, je discute avec mes enfants là qui sont des génies de l'informatique. Ils m'expliquent comment ça se passe. Pour couvrir une école en ligne, mais vous devez payer des gens. Il faut payer le robot qui va chasser chaque fois des insanités. Il faut payer des robots de sécurité qui vont veiller à la sécurité. Parce que n'importe quel gnaquin, n'importe quel apprenti sorcier va rentrer, poster des spams, poster des virus, poster des vers, ce qu'on appelle ici les worms en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais ça, les worms là, c'est l'un des grands virus dangereux qui peut même détruire vos téléphones à distance. Voyez-vous? Oui, l'école, ça va être fait que tout le monde va prier pour que j'ai la vie dans les quelques années. Parce que dès que cette affaire-là de YouTube-là est rendue, ou bien donné à quelqu'un d'autre, vous pensez que je vais faire quoi? Je vais croiser mes bras? Non. Je vais me concentrer soit là où j'ai mon terrain en Baka, à Pointe-Noire, au Congo, ou bien chez moi au Gabon, tranquillement, vous verrez, l'école va être là. Les gens vont venir, là vous allez payer les billets, je verrai maintenant. Vous allez payer les billets chers, des millions pour venir me voir. Vous viendrez? Bonjour, existe-t-il des couples de même signe astrologique? Oui, ça existe. Rentrez dans ce qu'on appelle en astrologie la compatibilité des signes. Il y a par exemple de certains signes qui ne peuvent pas se marier entre eux. Je prends le cas des signes RR. Moi, je suis R. Je ne peux pas épouser une R. Mais je ne peux épouser que de l'eau ou bien la terre ou bien le feu. Voilà, il y a une compatibilité. Bref, il y a des signes de même R qui se marient. De même, comment on appelle ça? Des couples de même signes qui peuvent se marier. Voilà, c'est possible. Mais souvent, ça ne marche pas à 100%. Mais sinon, c'est possible. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que sur WhatsApp, vous répondez. Jamais, maître, je suis assez dessus. Ah bon? Ok. Mais maintenant, si vous venez ici avec le nom de Chocoba, moi, je vais voir comment. Vous me présentez ici Chocoba, et là-bas, je vois là-bas Aboubarak. Je veux savoir que c'est qui, c'est quoi. Vous voyez? Pendant que je suis en live avec vous, là, hein, avant que je ne vous quitte, il faut déjà me confirmer ça tout de suite, là. Moi, je veux voir ça. Sur WhatsApp. Voilà, je vais rentrer dans mon compte WhatsApp. Il est là. Bon, c'est qui est là? Moi, je ne vois pas. Moi, je vois, c'est seulement un jeune Gabonais qui me salue ici. Bonsoir, papa. C'est bon, ça, c'est mon neveu. Allez-y savoir. Oui, c'est où? What's up? Bonsoir, maître, j'aimerais savoir. Bon, ça, c'est quelqu'un qui vient de poser la question tout de suite. Il n'y a même pas 5 minutes. Vous êtes où? Quelqu'un qui m'appelle de l'Afrique du Sud. J'espère que ça, c'est un appel privé. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Je connais, parce que je connais ce numéro-là. Bon, vous êtes où? Oh, je vous êtes dessus, je ne vous réponds pas. Mais vous êtes où? Oh! Moi, je ne vois pas. Voilà un message qui a été envoyé le 5. Et après, ça a été enlevé. Vous m'envoyez directement l'audio. Ça vient de l'Espagne. Est-ce que c'est de ça que vous me parlez? Le message qui vient de l'Espagne? Bref, je ne sais pas. Il faut revoir cela. Bon, ça fait une semaine. Je vous suis, s'il vous plaît. Comment faire pour vous contacter via WhatsApp? Rentrez dans le... Ça, c'est Jérôme. Hein? Rentrez. Cliquez à la droite de votre téléphone Android et vous rentrez dans les forums. On vous donnera mon numéro privé. Est-ce que tu peux être un chrétien? Ah, bon, c'est quelqu'un qui me... Je ne sais pas si vous posez la question de manière générale ou bien vous me tutoyez. Bon, bref. Yomini, il dit quoi? Est-ce que tu peux être un chrétien et tu peux aller consulter un maître ou marabout ou médium pour savoir ce qui se passe dans sa vie? Est-ce que c'est mal? Oh, j'ai dit, hein, si vous êtes du Burkina Faso, là. Le Burkina Faso, c'est un pays chrétien musulman. Mais on connaît beaucoup de chrétiens qui vont voir quel mal y a-t-il. Le musulman, plutôt le marabout est un lecteur de l'avenir. C'est un lecteur direct. Il lit les arcanes. D'accord? Moi, je ne vois aucun mal. Mais si c'était mal, mais dans ce cas, on ne devait pas voir des pasteurs avec des grosses voitures parce qu'eux, ils vont prendre les joujoux, ils vont prendre les fétiches chez nos frères marabouts. Ils vont prendre les fétiches. Je sais de quoi je vous parle. D'accord? Donc, non, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Tout son travail, tout, c'est un médium. Vous dites bien le mot médium, marabout ou médium. Le médium, c'est quoi? Médium veut dire l'intermédiaire entre les esprits et le monde des vivants, entre le monde des morts et le monde des vivants, entre Dieu et les hommes. C'est celui-là, le médium, non? Consultation, il faut rentrer là-bas. Ce n'est pas en plein live que je veux vous dire. Vous ne me trouvez rien sur moi, sur Messenger. Vous me trouvez quoi? Là, je n'ai pas compris. Grand Maharja, waouh! Merci pour vos travaux. Là, c'est une expression indienne. Oui, je comprends votre langage. Vous parlez d'une association mystique indienne dans votre bibliographie. Quel est ce groupe et comment pouvez-nous avoir plus d'informations? Le groupe s'appelle la Confrérie indienne de protection de haute magie et sorcellerie. Ils sont basés à Calcutta. Et le siège administratif est à Mumbai, donc à Bombay. Mumbai. Mais le siège mystique où les gens reçoivent les initiations, c'est à Calcutta. Oui, oui, oui. Pour plus de détails, vous pouvez me contacter en privé. Je vous donnerai les informations. Maintenant, quelles chances ont-ils? Bon, je n'ai pas compris. WhatsApp, vu que le messenger ne répond pas, le maître, il a bien dit. Ok, merci. J'ai demandé une consultation sur WhatsApp. Est-ce qu'il y a une des choses à faire pour être pris, prendre le rendez-vous? Claude Shaw. Vous avez demandé quoi? Sur WhatsApp. Je crois avoir répondu à cette question. Sauf si vous êtes sous un autre nom. C'est ça qui m'embête. Vous me venez ici sous un autre nom, là-bas un autre nom. Moi, je ne sais pas. Je crois avoir répondu à la plupart des questions. Et je le réponds en plein live. C'est 250 $. Ça s'appelle consultation mystico-spirituelle. Non. Voilà, chimie. Tu viens toujours avec tes histoires. Que tu n'es pas quelqu'un de malsain. Qui t'a traité de malsain ici, là? Ici, là, on n'utilise pas des mots comme ça. Sinon, YouTube va calboigner mon machin. Tu n'es pas croyant, mais il n'y a pas de problème. Hein? Non, on ne parle pas de religion. On ne peut pas vous parler de religion, non. Mais toi, le problème, si les autres ne veulent pas te recevoir, les autres sont un peu fâchés contre toi, moi, je vais te dire la vérité. Je parle de mon frère, là. C'est lui qui dit qu'il est le fer blanc, que les gens ne l'aiment pas. Non. Toi, tu nous amènes les histoires des psaumes tous les jours. Tu nous amènes les histoires des dieux, des religions. Non, mais c'est ça, là, on ne veut pas entendre parler de ça. Ah, comment on ne se comprend pas? toutes les quatre personnes peuvent-ils venir faire des lives à chacun? Oui, ce n'est pas toutes. Je vais choisir parmi les quatre. Il y aura un que je vais prendre. D'accord. Bonsoir, l'élu de Tetamon. Comment faire pour se débarrasser des mauvaises actions qu'on a eues à commettre? Allez-y voir l'enseignement sur les effets nocifs, bénéfiques ou maléfiques du karma. Il y a des vidéos qui sont disponibles. Rentrez dans le forum et abonnez-vous pour chercher ma vidéothèque. Il y a une vidéothèque où vous avez toutes les vidéos qui répondent à ces questions-là. Maître, la cymatique peut-il éveiller un temps soit peu notre grande pléniale? Oui, ça dépend de votre maître qui vous enseigne sur ces histoires-là. Oui, c'est possible. Je vous ai envoyé tout le screen. Je ne peux pas poser certaines questions qui sont trop personnelles. Mais oui, mais dans mon compte personnel, est-ce que vous avez posé la question personnelle? Hein? Ah là là, vous n'avez pas des ondes. Voilà, vous vous jugez. Excusez-moi de mes mauvaises ondes. Je suis navré. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK, je crois qu'on a fait le tour de tout. Que Tete Monga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous remercie. Donc, tenez compte de cette information, elle est très importante. Je ne veux pas que vous me cherchiez, OK? Il ne faut pas me chercher. Je vous ai déjà dit ce qu'il y a lieu de faire et qu'à partir du 17, officiellement, dès le 17 juin 2022, là, donc dans un mois pratiquement, disons dans moins d'un mois, vous ne devez pas être surpris si vous ne me reverrez plus trop ici. Là. C'était ça, d'accord? Donc, j'ai déjà dit ce que j'ai dit, je ne vais pas le répéter. Suivez la vidéo du début à la fin. D'ici là, portez-vous bien. Que Tete Monga vous bénisse. Et on est ensemble. On est ensemble, il n'y a pas de problème. D'accord? On est toujours ensemble. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir donc clôturer avec un peu de la musique. Et battery, 82%. Je vais continuer. Wise Galaxy Note 20 5G connected. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup à la régie. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci. Je vous aime. Et merci. Merci du soutien que vous portez sur ma humble personne. Et nous allons continuer ensemble. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un au revoir. C'est juste quelques réajustements. Et rassurez-vous, les gens qui vont être ici ou les gens qui vont présenter, soit sous enregistrement ou en live, rassurez-vous. C'est des grands détenteurs de connaissances également. C'est des gens avec qui je travaille dans l'ombre depuis un bon moment et que je continuerai toujours. C'est en fonction de mon calendrier, je vais vous poster des enregistrements préenregistrés, on appelle ça comment, des vidéos préenregistrées. Mais les lives, malheureusement, je n'aurai plus ce temps-là, d'accord? Donc, portez-vous bien et naturellement, on pourra se retrouver. Je n'ai pas dit que c'est fini, je ne veux plus être dans les forums, non. C'est à partir du 17 juin 2023, autant vous préparer. Mais là, je vais maintenant jeter un coup d'œil dans les forums, parce qu'il y a des gens qui se plaignent que je ne réponds pas aux questions. Alors, on se retrouve. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Et je demande encore beaucoup plus de patience pour ceux-là qui sont sur ma liste des personnes à qui j'ai déjà, pris des rendez-vous et que je dois donner des rendez-vous également pour les consultations. Merci encore. Bonne soirée. Bonne journée, ça dépend de là où vous êtes. Chez moi, ici, il est 10h25 du matin. Merci beaucoup. Merci. Merci.